Chapitre 22e. On fut bientôt dans la partie écartée du bois où Henri avait fixé son rendez-vous avec M. de Bléré. Les deux jeunes gens aperçurent, en sautant de voiture, trois personnes qui se promenaient lentement sous les arbres. Ces trois personnes se retournèrent à leur approche. Un cri s'échappa des lèvres de Henri. Il venait de reconnaître M. de Carlepoint près de M. de Bléré. « Vous ? Vous ici ? » s'écria-t-il. « Pensez-vous que je veuille vous abandonner dans les circonstances graves de votre vie ?» répondit le duc d'un air de hauteur. « Est-ce la première fois d'ailleurs que vous me voyez dans de telles occasions ? Mais si alors j'étais votre champion aujourd'hui, monsieur, ce n'est pas à côté de vous qu'on me verra. » M. de Bléré, qui se tenait debout, les bras croisés sur le bord du chemin, fit un pas. « Avez-vous bien fait toutes vos réflexions ? » continua le duc. Une sorte de folie furieuse possédait Henri. On aurait dit que le démon du mal le poussait à toutes les extrémités. Sans répondre, il ôta violemment son habit et saisit une épée. M. de Bléré, qui les pieds du regard, allait l'imiter lorsque M. de Carlepoint le prévint et se plaçant tout à coup devant lui. « Monsieur le comte, dit-il, une personne qui porte mon nom vous a insulté. Je vous en demande pardon. Mais cela dit, je croirais mon honneur perdu si je ne demandais pas à cette personne compte de l'ouvrage qu'elle vous a fait. » Déjà, il tenait l'épée à la main. Henri fit trois pas en arrière. « Eh bien, monsieur, poursuivit le duc, que ne commencez-vous ? Je suis prêt. Vous insultez mon vieil ami, un homme qui a marché à mon côté dans les heures les plus difficiles de la vie, que vous avez trouvé sous mon toit, près de votre berceau, et de qui vous n'avez jamais reçu que de bons conseils et de bons exemples, et vous avez pu croire que je ne serais pas là. Regardez-moi donc en face. Sa cause est la mienne. Qui le touche, me frappe. Quand vous dormiez sur mes genoux, monsieur, j'ai fait le serment d'être près de vous dans toutes les circonstances où l'honneur du nom serait en jeu. Il vous plaît d'être, tout ensemble, ingrat et féroce. Poussez donc droit devant vous. Moi vivant, je vous le jure, vous n'irez pas plus loin. » La pâleur des cadavres se répandit sur le visage d'Henri et d'un geste où l'on sentait l'horreur, jetant son épée. « Ah, misérable » dit-il. M. de Bléré lui ouvrit ses bras et il s'y précipita. Il n'en sortit que pour tomber dans ceux de M. de Carlepoint. « Me pardonnez-vous » s'écria-t-il d'une voix qui venait des entrailles. « Te pardonner ? Regarde, est-ce que je ne pleure pas ?» répondit M. de Carlepoint. Gilbert s'essuyait les yeux à la dérobée. « La journée est bonne, qui commence ainsi, » dit-il en se rapprochant de son ami d'enfance. « Elle finira mieux encore, » répliqua M. de Bléré. « Si j'ai bien compris l'élan qui t'a poussé dans mes bras, Henri, tu as rompu avec un passé où tout ce qu'il y a de bon en toi pouvait disparaître. Me suis-je trompé, ou ta volonté n'y est-elle pas déterminée ? Ah, tout me crie que vous avez raison, mais je l'aime et j'ai la mort dans l'âme. J'ai vu des soldats marcher froidement à la mort sur un signe de leur capitaine, » s'écria M. de Carlepoint, qui saisit la main de son fils et la serra énergiquement. « Seras-tu moins brave et moins résolu que ces humbles serviteurs du drapeau ? Va, tu traverses l'une des épreuves les plus redoutables de la vie. Tu peux en sortir le cœur en cendres et tout transpercer de mille coups, mais si tu en triomphes, alors je pourrais dire « La semence est levée, marche, je n'ai plus peur. » « Voyons, » ajouta Gilbert d'un ton gai, « la reverras-tu ? Oui. Es-tu sûr de toi ? Je crois l'être. » « J'aime mieux cette modestie que l'assurance d'un capitaine, » poursuivit M. de Bléré. « Cependant, l'aventure est périlleuse. Et je conseillerais presque à notre ami de prendre la fuite bravement, » ajouta Gilbert. « Non, » dit le duc, « Henri doit sortir la tête haute de cette maison, comme il y est entré. S'il en sort tout déchiré, eh bien, ce sera l'œuvre du temps. On guérit d'une blessure, on ne guérit pas d'une lâcheté. » « Bon, » s'écria Gilbert, « rends donc visite au jardin d'Armide, et si ton cœur en revient malade et tout saignant, viens me trouver, et je te mènerai dans des lieux si bruyants que ce sera bien le diable si tu entends ses soupirs et ses gémissements. » Le jour même, Henri se présenta chez Madame d'Albreuse. « Madame est chez elle, » dit une femme de chambre qui chiffonnait autour d'un meuble. Henri poussa la porte d'un petit salon où Julie passait quelquefois la soirée, quand elle n'attendait personne. Surprise à sa vue, Madame d'Albreuse jeta un petit cri. Une lettre toute ouverte était sur ses genoux. Un écrin sur un guéridon à portée de sa main. Un geste rapide fit tomber la lettre et l'écrin dans un tiroir. Un triste sourire glissa sur le visage d'Henri. « Ne vous dérangez pas, je vous en prie, ma visite sera courte, » dit-il. « Ah !» fit Julie d'un son de bois clair, et comme Henri, à qui la respiration manquait, s'asseyait. « Il y a du nouveau à ce que je vois, » dit-elle. « Quelque histoire encore ?»« J'ai vu monsieur le comte de Mennecy ce matin, » reprit Henri, « et j'ai failli me battre avec lui. »« Avec monsieur le comte de Mennecy ?»« Ou, si vous l'aimez mieux, avec monsieur le comte de Bléret. »« De qui parlez-vous ?»« Entendons-nous bien, » répliqua madame d'Albreuse un peu troublée. « Nous parlons, ce me semble, de la même personne. Seulement chez vous, elle s'appelle monsieur le comte de Bléret. Comprenez-vous, madame ?» Julie tressaillit tout à coup. « Je comprends que vous vous êtes mis trois contre une femme. Monsieur le duc de Carlepont, vous, son fils et monsieur de Bléret. Sans compter sans doute à Gilbert de Lanta, votre ami, ce qui fait quatre. Et vous êtes des gentilshommes, à ce qu'on dit. Je crois, madame, que je n'ai plus rien à ajouter. » reprit Henri qui se leva. Mais brusquement, avec un élan et une vivacité qui la portèrent dans ses bras, madame d'Albreuse retint le fugitif. « Que t'ai-je fait? Que t'a-t-on dit? Parle, explique-toi, je t'en prie, je le veux » s'écria-t-elle. « Si tu m'accuses, du moins, dis-moi quel crime j'ai commis. Est-ce possible que tu me condamnes sans m'entendre, toi, mon Henri? Mais tu ne m'aimes non plus? Que s'est-il passé? Hier, j'étais la plus heureuse, hélas, la plus adorée des femmes, et aujourd'hui? Comment, en une nuit, en quelques heures, et sans que je sache pourquoi? Rien, plus rien. Ah, il me semblait que tu m'aimerais toujours, et tu ne sais pas quel bonheur c'était pour moi que cet amour, mais parle, réponds, dis-moi tout. » Henri sentit que la folie le gagnait, il se dégagea des bras de Julie. « Vous le voulez, dit-il, eh bien soit. » S'il discute, je ne suis pas encore perdu, pensa-t-elle, et tout haut, avec un sourire. « Voyons, quelle faute, quelle horrible faute avez-vous à me reprocher ?» reprit-elle. « Je verrai bien après, si je ne suis plus cette même Julie que vous avez aimée. » Monsieur de Mennecy, ou pour parler plus clairement, monsieur de Bléret, n'est-il pas venu ici plusieurs fois, fréquemment ? M'en avez-vous instruit ? M'avez-vous parlé de ses visites assidues, de ses projets ? Je ne voyais que M. Desbordes et M. le baron de Prats, et quand votre porte se refermait pour tout le monde, elle s'ouvrait pour lui. Est-ce là tout? L'autre soir, j'étais dans la rue, presque fou, haletant, votre image dans le cœur, votre nom sur les lèvres. Je ne voulais rien voir. Vous étiez mon espoir, ma vie, et je sentais que j'allais tout perdre. Ah, si vous aviez été celle que j'espérais! La femme aimante et sincère que j'idolâtrais, quelle ivresse! N'eût pas été la mienne, et quel dévouement sans limite, n'eût pas payé ce bonheur qui était votre ouvrage. Mais non, une porte s'ouvre, et vous paraissez au bras d'un autre, et bientôt après, vous vous enfoncez dans la nuit, tandis qu'autour de moi tout chancelait. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en moi pendant cette heure cruelle. Il m'a semblé que tout le sang de mon cœur s'échappait d'un seul coup. Julie n'était plus, Julie était morte. Madame d'Albreuse, qui ne quittait pas Henri des yeux, se laissa glisser à ses genoux et, changeant tout à coup d'attitude et de langage, « Ah, je suis bien coupable. Me pardonnerez-vous jamais, Henri ?» Elle couvrait ses mains de baisers. Un mouvement de fièvre le saisit et jetant ses bras autour des épaules de Madame d'Albreuse. « Ah, cruel, pourquoi » dit-il. « J'étais folle !» reprit Julie en frissonnant sous l'étreinte qui la caressait. « On m'avait dit... » « Ah, tu ne sais pas tout ce qu'on m'avait dit. Je croyais que tu en aimais une autre, que tu allais te marier. Mille perfidies m'entouraient. Et puis la confiance est sortie de mon cœur. Elle a laissé toute la place libre aux soupçons. Ma tête s'est perdue. J'ai voulu tout savoir et j'ai suivi celui qui me trompait. Une heure après, je l'avais démasqué, ce traître. J'étais dans les larmes. Je sentais qu'un malheur était autour de moi. Ah, je ne le prévoyais ni si grand, ni si terrible. Oui, quand je t'ai vu tout à l'heure, j'aurais dû courir vers toi et tout te dire. J'ai eu peur. Pour la première fois, tu me faisais voir des yeux menaçants, et le souvenir de ce que j'avais fait m'a rendu lâche. À présent, tu sais tout. Mon crime est-il de ceux qu'on ne pardonne pas? Je ne l'aurais pas commis si je t'avais moins aimé. Elle serrait sa poitrine contre les genoux d'Henri, avec des mouvements de couleuvre qui cherchent son nid. Il luttait contre le flot des souvenirs, et le parfum qui s'échappait de cette tête si chère se glissait par mille canaux invisibles jusqu'à son cœur. Devant lui, cependant, se glissait l'image de son père. Il en voyait l'attitude courroucée et le regard. « Ah, sirène, je serai le maître. Fallut-il briser mon cœur » pensa-t-il. Julie sentait les doigts d'Henri presser le fin tissu de soie sous lequel frissonnaient ses épaules. Elle se croyait sûre de la victoire. Tout à coup, les yeux du jeune homme tombèrent sur le tiroir du guéridon où, tout à l'heure, un geste rapide avait précipité la lettre et l'écrin qu'un premier regard avait surpris. Une sensation douloureuse le rappela au sentiment de la réalité. Il sourit et montrant du doigt le tiroir mal fermé. « Est-ce le premier ? Est-ce le dernier ? » dit-il. Julie se redressa d'un bond. « Ah, le traître ! » s'écria-t-elle. Il n'était plus temps de feindre, son visage avait parlé. Alors, comme une femme lasse de lutter, et tout à coup. « Allons, avouez-moi tout, » reprit-elle. « Il vous a tout dit, n'est-ce pas ? Ah, les hommes sont lâches !» Ses yeux lançaient les éclairs, ses lèvres tremblaient. Henri ne la reconnaissait pas. « Vous ne m'avez jamais vu ainsi, et cela vous jette dans des étonnements stupides. » poursuivit Julie avec véhémence. « Eh bien oui, voilà ce que vos pareils ont fait de moi, et vous n'êtes pas meilleur que les autres. Il y a longtemps que je ne crois plus à vos semblants d'amour. Ne me parlez pas. Je connais ces phrases qu'on rencontre sur toutes les bouches. Monsieur déborde au besoin, malgré sa cuirasse de sottise, et monsieur le baron de Prats aussi les saurait dire comme vous. Je ne suis pas une petite fille qu'on prend avec ses fadaises. Il faudrait d'autres preuves pour faire entrer la confiance dans ce cœur battu par mille orages. Voulez-vous que je vous dise l'heure exacte où tous ces vifs sentiments d'amour et d'enthousiasme que vous me faisiez voir ont tout à coup disparu en fumée? Un seul mot vous la fera connaître. C'est l'heure où vous avez appris que M. Dalbreuse allait revenir et que j'étais ruiné. Madame !» Madame Dalbreuse éclata de rire. « Oh, pas de longs discours et pas de protestations. J'y suis faite et je n'ignore rien de ce que cela vaut. Vous étiez en veine de franchise, ce me semble, tout à l'heure. Eh bien, je vous imite. La vérité toute nue, la voilà. La ruine est autour de moi et j'appartiens au hasard. Vous l'avez flairé. Et prudemment, vous avez battu en retraite. C'est de l'habileté, si ce n'est pas de la chevalerie. Oh, je ne vous en veux pas. Mais pourquoi ramasser un prétexte et vous en faire une arme? Quand on veut rompre, toute tactique est inutile, on se retire. Adieu donc, et bonne chance !» Henri était atterré. Il lui semblait qu'une langue inconnue, et dont par un effort mystérieux de son intelligence, il percevait l'essence, éclatait à son oreille pleine de mots terribles, menaçants, empoisonnés. Quoi? De tels accents dans cette bouche adorée? Un sentiment de désolation où la tristesse se mêlait à l'horreur s'empara de lui. Il voyait en esprit la profondeur de l'abîme, et c'était Julie qui en évoquait les sombres images et s'y précipitait tout entière. « Ah, malheureuse » murmura-t-il. Soudain, avec cette spontanéité d'impression dont les natures surexcitées ne gouvernent pas les élans, Madame Dalbreuse changea de visage, des larmes jaillirent de ses yeux et se tordant les mains. « Ruinée ! » répéta-t-elle, entièrement ruinée. C'était en ce moment l'image même du désespoir. La pitié se glissa dans le cœur de Henri, mais le dégoût avait fait son œuvre et l'amour s'en allait par la blessure. Une femme de chambre entra précipitamment et parla bas à l'oreille de sa maîtresse. Julie s'essuya les yeux vivement et d'un geste rapide arrangea les plis de sa robe. Henri se leva. « Je ne vous retiens pas, on attend, » dit-elle d'une voix fiévreuse. « D'ailleurs, à quoi bon ?» Elle l'enveloppa d'un dernier regard, où l'on sentait un reste d'amour et de prière. Henri s'inclina sur sa main et la baisant. « Adieu, » dit-il. « Adieu, » répéta Madame Dalbreuse, qui se redressa. Et il sortit. Il trouva dans la pièce voisine M. Dalbreuse et M. le baron de Prats. Le baron joyeux et superbe avait le dos contre la cheminée, l'air souriant et l'attitude d'un homme pour qui la vie n'a que des heures fortunées. Il sourit en apercevant son adversaire et lui tendant la main. « Vous vous lèverez donc toujours de meilleure heure que moi, » dit-il. M. Dalbreuse qu'Henri n'avait pas aperçu depuis un assez longtemps et que M. de Prats, comme on se le rappelle, ne connaissait pas, était assis dans un coin, les pieds ramassés sous la chaise, le chapeau sur les genoux, la tête basse. Tout en lui trahissait la défaite. Le regard, le vêtement, l'humble sourire, la ligne courbe du dos et des épaules. On ne découvrait même plus en lui ce je ne sais quoi qui fait voir le gentilhomme déchu. Il hésita presque en se levant pour saluer M. de Garlepont. Henri se tourna vers M. de Prats. « M. d'Albreuse, dit-il, le baron s'inclina d'un air de politesse affectée. Le maître de la maison, c'était lui. L'étranger, c'était M. d'Albreuse. Au moment où Henri passait la porte, la femme de chambre, Julie, entra. « Madame, dit-elle en s'adressant à M. de Prats, prie M. le baron de vouloir bien entrer chez elle. » M. de Prats pirouetta sur ses talons et laissa M. d'Albreuse seul dans le salon.